الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى c'est une assise pour nous rappeler un petit peu les droits de ce que Allah سبحانه وتعالى a fait obligatoire qu'on suive leur chemin, qui sont les nobles compagnons ridwanullah alayhim. Fa la yumkinu an nanfakka an as-sahabati ridwanullah alayhim wa la an fahmihim, lian al-Qur'an ya'muruna bidhalik wa kadhalika as-sunnah ta'muru bidhalik. Limadha? Lianna ulaikum as-sahabu al-kiram hum alladhina talaqqaw al-Qur'an wa ma'ani al-Qur'an wa tatbaquhu كما علمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة، فأعلم الناس بالقرآن والسنة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وأصوب الناس للفهم والتطبيق للقرآن والسنة هم الصحابة، فتطبيقنا للقرآن والسنة وفهمنا لهما يجب أن يكون عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة كما يقال تحيط بالقرآن والسنة ولا ينفكون عنهما، لأنهم الرجال الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى on peut pas se séparer des nobles compagnons de Allah عليهم. Comme on peut pas se séparer de leur voix, comme on peut pas se séparer de leur compréhension de la parole d'Allah et de la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام. Car le Coran nous ordonne de nous cramponner à leur voix et à leur compréhension. Ainsi que la sunna du messager a.s. nous ordonne de nous cramponner à leur voix et à leur compréhension. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient là au moment de la révélation. C'est eux qui ont entendu le Coran directement de la bouche du prophète a.s. Ils ont pris du prophète a.s. le Coran et la signification du Coran. Ils ont mis en application ce Coran comme l'aura appris, il aura enseigné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même de la sunna du prophète alayhi wa sallam. Les gens qui ont le plus de connaissances concernant le Coran, concernant la sunna après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les nobles compagnons. Et la compréhension la plus saine et la plus correcte et la mise en application la plus correcte du Coran et de la sunna, c'est celle des nobles compagnons d'Allah alayhim. Donc notre mise en application du Coran, notre compréhension du Coran et de la Sunna et de la mise en application des deux, il faut qu'il soit selon la voie et la compréhension de ces nobles compagnons d'Allah alayhi. Comme on dit, les compagnons entourent le Coran et la Sunna. Ils ne se séparent pas du Coran et de la Sunna, car ce sont les hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour accompagner son prophète alayhi salatu wasalam et pour faire triompher sa religion et pour la propager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. فَالْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اخْتَلَفُوا فِي تَعْرِيفِ الصَّحَابِ وَأُولَى التَّعَارِفِ تَعْرِيفُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ قَالَ وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فيدخل في من لقي من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى ولو تخللت ردة في الأصح. هذا جاء منتخب من الإصابة والنخبة لابن حجر رحمه الله. وقال ابن حزم في أصول الأحكام وكلهم، ويتكلم عن الصحابة، وكلهم عدل، إمام فاضل، رضا، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا دهره كله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ممن عرف قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فإن الله سبحانه وتعالى les savons divergés concernant la définition des compagnons, la définition du sahabi, du compagnon. La définition que beaucoup de savants estiment être la prépondérante est la définition que le mémorisateur Ibn Hajar rahimahullah a citée dans son recueil Al-Isaba et aussi dans son livre Nukhba. Il a dit rahimahullah que Sahabi, le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète en croyant en lui et il est mort musulman. Il rentre dans cette définition celui qui a eu une longue compagnie avec le messager d'Allah, celui dont la compagnie a été très courte, celui qui a transmis du messager alayhi salam, celui qui n'a rien transmis du messager alayhi salam, celui qui a combattu avec le messager alayhi salam et celui qui n'a pas combattu avec. Et cette définition, hein, qui a rencontré le messager alayhi salam, hein, englobe aussi celui qui l'a vu une seule fois, même s'il n'a pas pu rester et être en sa compagnie. Comme il englobe aussi celui qui ne l'a pas vu, comme l'aveugle qu'il a rencontré. Et ceci ne concerne que ceux qui ont cru en le messager, alayhi salam. Ils sont morts sur cette croyance. Quant aux mécréants qui ont rencontré le prophète, alayhi salam, quand ils étaient mécréants, ils s'y convertissent. Et après qu'il s'est converti, il ne l'a pas rencontré une autre fois, il ne rentre pas dans la définition du sahabi. Contrairement à ceux qui l'ont rencontré, ils ont apostasé. Et ils ont apostasé à un moment, ils sont revenus après à l'islam, ben ils resteront toujours sahabi. Ibn Hazm rahimahullah nous dit dans son livre, l'Ihkam, fi usul al-ihkam, concernant les compagnons, il a dit, ils sont tous du noble imam, digne de confiance. Il est obligatoire pour nous de le respecter et de leur reconnaître la place qu'ils méritent et de leur faire dua et de les aimer. Car une date qui a été donnée par un compagnon en aumône est mieux que la charité de quelqu'un parmi nous durant toute la vie. Fin des paroles d'Ibn Hazm rahimahullah. Et ce sont là les paroles de quelqu'un qui a connu la réalité de la place des nobles compagnons de Allah alayhi. Ayyuha al-ikhwatu al-hudur, ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawmun ikhtarahum Allah tabaraka li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi kama qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khayra qulubi al-ibad فاصطفاه لنفسه فابتعته برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه وإسناده حسن رواه الإمام أحمد وغيره وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وهذا الأثر ذكره البغوي في تفسيره وأبو نعيم في الحلية وأبو نعيم ينسبه إلى عبد الله بن عمر رضي الله عن صحابة رسول الله فخيرنا الله سبحانه وتعالى les compagnons de Muhammad صلى الله عليه وسلم ce sont des gens qu'Allah سبحانه وتعالى a élu pour l'accompagner de son messager alayhi salam et pour accomplir sa religion. Dans le Attar rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréé, a dit, Allah a regardé les cœurs de ses serviteurs. Et il a trouvé que le cœur de Muhammad alayhi salam est le meilleur des cœurs. Et il l'a élu et il l'a envoyé avec son message. Et puis il a regardé les cœurs des serviteurs après le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a trouvé que les meilleurs cœurs parmi les serviteurs, les cœurs de ses compagnons. Et on a fait les vizirs de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre pour sa religion. Ce tatar est rapporté par le Baghawi rahimahullah dans son explication du Coran et par Abu Nu'aym dans le Hilya, Abu Nu'aym le remonte à Abdullah ibn Omar radiallahu anhu arda. Et Ibn Mas'ud aussi a dit, celui qui veut prendre un modèle, qu'il le prend parmi ceux qui sont morts, c'est-à-dire les compagnons, ridwanullahi alayhim. Il le dit à qui? À ceux qui étaient en face de lui, qui sont les tabi'i, leurs successeurs. Il leur a dit qu'il le prend parmi les morts, car le vivant n'est pas épargné de la fitna. Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs de cette communauté. Ils avaient des cœurs dévoués et ils étaient enracinés dans la science. Ils ne s'imposaient pas les choses. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour la compagnie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour accomplir sa religion. Reconnaissez-leur leur mérite. Suivez leurs traces et cramponnez-vous à ce que vous pouvez de leur comportement, de leur religion, et ils étaient dans la voie droite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Wa ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam humur rijal bima'na al-kalima. Wasafahum rabbuhum fi kitabihi biqawli azza wa jal. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لم يبدلوا ولم يغيروا وبلغوا كما بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتأمل هذه الجماعات الموجودة الآن وهذه التغييرات التي أدخلوا على الدين سواء في المنهج أو في الدعوة أو في العبادات، حتى صار عند بعضهم التمثيل والموضة والسينما من وسائل الدعوة، نعوذ بالله من الخذلان. وهم كما قال رحمه الله تعالى علي الوصيفي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أفلسوا في السياسة وابتدعوا في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فهنا الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في حقهم أصحاب محمد وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصادقون كما وصفهم رب العزة سبحانه وتعالى، ووصفهم كذلك قبل بما قلت بأنهم رجال. فتأمل في هذه الآية في سورة النور، قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وأول من يدخل في هذه الأوصاف المذكورة في كلام رب العزة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا طريفة ذكرها رحمه الله هذا فلاح من ذكر، في قصة جرت للشيخ تقي الدين الهلالي وأبو بكر الجزائري. كان الشيخ أبو بكر الجزائري في زيارة للشيخ تقي الدين الهلالي في البيت، وسمع طارقا يطرق الباب، فذهب أبو بكر إلى الباب فرجع عند الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله وقال في الباب ثلاث رجال يستأذنونك يريدون الدخول عليك. قال الشيخ تقي الدين الهلالي بصوت مرتفع ما شاء الله، ثلاثة بعث الصحابة من جديد، ثلاث رجال. الشيخ أبو بكر استغرب وقال قال له الإمام تقي الدين الهلالي والله واحد يكفينا، واحد صحابي واحد يكفينا. وقال له الهلالي رحمه الله يا شيخ قل ثلاثة ذكور، قل ثلاث ذكور عند الباب فالرجال، وصدق رحمه الله، فالرجال كلمة تطلق على الصحابة ونحن ماذا؟ نحن ذكور، وهؤلاء الذكور توجد فيهم من الرجولة بقدر متابعتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بمتابعته، لأن الله أمر بمتابعتهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر متابعة الصحابة تكون الرجولة بالإنسان. قال الله سبحانه وتعالى il dit dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants avec le terme فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الصادقون كما وصفهم ربهم في كتابه سبحانه وتعالى. فقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الله سبحانه وتعالى الكومبانيون دو محمد عليه الصلاة والسلام سسون دي زوم كوم ليزا ديكري الله سبحانه وتعالى دون القرآن دون سي تراديكسيون ابروكسيماتيف دي سونس دو فيرسي إلي دي À la vie du coalisé, les croyants ont dit « Voici que s'accomplit la promesse d'Allah et de son messager. Allah et son messager disaient donc la vérité. Leur foi et leur soumission en furent donc raffermies. Et il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré leur engagement envers Allah, fidèles à leurs promesses. Certains sont tombés en martyrs, tandis que d'autres attendent toujours sans rien changer à leur engagement. » Regarde et médite, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, cette description. Ils n'ont rien changé. Et ils ont transmis, comme leur a transmis le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et médite la situation de ces groupes sur le champ de la da'wah. Comment ils ont fait des lifting à la méthodologie de la da'wah. Au point que le théâtre, le cinéma, la mode, le foot, les anacides sont devenus pour eux des moyens de la da'wah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ils nous préservent de leur innovation et de leur passion. Ils sont devenus, comme il a dit Ali al-Wasif, rahimahullah ta'ala, ils ont fait faillite dans la politique et ils ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une description qui est réelle de toutes ces tendances qui existent. Oui, il n'y a aucun doute que cette description leur va très bien. Frère en Allah subhanahu wa ta'ala, la réussite est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de la déviance du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant les nobles compagnons, il les a désignés comme le terme, avec le terme lijal, des hommes, dans des mosquées qu'Allah a ordonné d'édifier afin que son nom y soit mentionné et où le glorifie matin et soir des hommes, qu'aucun négoce ni transaction ne distrait de la mention d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, car il redoute un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés de terreur. Les nobles compagnons, ce sont eux les premiers qui rentrent dans cette description qu'il y a dans le verset des hommes. Et je vous conte ici une anecdote qui est arrivée à Cheikh Abu Bakr Jazair rahimahullah et Cheikh Taqiyuddin Hilali. Alors qu'il était en visite chez Taqiyuddin Hilali, chez lui à Médine, et quelqu'un a frappé à la porte. Abu Bakr Jazair a été voir. Il est revenu voir Cheikh Taqiyuddin Hilali, lui a dit, il y a trois hommes qui veulent te voir, qui demandent l'autorisation de te voir. Cheikh Taqiyuddin Hilali s'écriait très fort, trois hommes? Ça n'aurait été suffisant. Abu Bakr Jazair n'a pas compris. Et il a été étonné de la réponse de Cheikh Taqiyuddin Hilali qui lui a dit après, un compagnon aurait été suffisant. La prochaine fois, tu diras, il y a trois mâles. Trois mâles devant la porte qui demandent l'autorisation. Il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'il a dit. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. car le terme rijal est un terme avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit les nobles compagnons ridwanullah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection. Donc rien d'étonnant. Donc la description par le terme homme de l'un parmi nous s'évalue par rapport à son suivi des nobles compagnons ridwanullah alayhim, par rapport à la réalisation du suivi. C'est par rapport à ça qu'il sera, qu'il aura plus ou moins de cette qualité, hein, car Allah subhanahu, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ainsi que son messager, ils ont ordonné de suivre ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum, et de mettre le Coran et la Sunna selon la compréhension et la voix de ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Donc rien d'étonnant dans la parole de Cheikh Taqi Din Hilali, rahimahullah ta'ala, et dans la parole de certains hommes de science qui disaient, de nos jours, il y a beaucoup de mal et peu d'hommes. Rien d'étonnant non plus, hein? Car le terme homme se donne à celui qui honore son engagement avec Allah et ne change rien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne change rien à son engagement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la religion d'Allah et vis-à-vis du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, les nobles compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les véridiques, comme Allah les a décrits dans le Coran, dans la traduction approximative du sens du verset, il dit: les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager sans jamais douter et qui sacrifient leur bien, leur vie pour la cause d'Allah. Voilà ceux qui sont véridiques dans leur foi. Ainsi ils ont été qualifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ce butin est pour les pauvres qui ont immigré de la Mecque vers Médine, qui ont été chassés de leur demeure et privés de leurs biens. Ils étaient uniquement coupables de vouloir la grâce et l'agrément d'Allah et de défendre la religion d'Allah et de son messager. Ce sont eux les véridiques. Radiyallahu anhum wa ardahum. Frères en Allah subhanahu wa ta'ala, les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam, ce sont les meilleurs de la communauté humaine après les prophètes et les messagers alayhi salam. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Ibn Abbas a dit, radiyallahu anhu wa arda, ce sont les compagnons de Muhammad alayhi salam qui ont immigré de la Mecque vers Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, les meilleurs gens, ce sont ceux de ma génération, et ceux qui leur succèdent, et ceux qui succèdent à ceux qui leur ont succédé. C'est-à-dire, sahabi, le tabi'i, et tabi'i, tabi'i. Ça donne cette version de ce hadith. Ah, فأيها الإخوة الكرام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في كل مجالات الخير عامة وفي محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم لدينهم خاصة فهذا صديق هذه الأمة عندما ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال على المنبر إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. الحديث والحديث متفق عليه. وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه فيما روى البخاري يقول يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. وهذا سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا يوم استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم بدر قام فقال يا رسول الله امضي امضي لما أردت فنحن معك فوالذي بعتك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد رضي الله عنهم. وهذا ذكره صاحب السيرة ابن هشام وابن سعد في الطبقات. وهذا أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه يرمي أعداء الله بالسهام فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين وقع السهم فيقول أبو طلحة: دونك يا رسول الله لا يصيبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك. متفق عليه. فهنا الله سبحانه وتعالى لكمبانيون دو محمد عليه الصلاة والسلام nous ont donné les meilleurs exemples dans tous les domaines. Dans le domaine de l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام, dans le domaine de la défense de la religion d'Allah et du sacrifice pour celle-ci. Comme il dit ce qu'a dit le véridique Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arda, au moment où le messager faisait ses adieux à ses compagnons, le messager a dit sur le minbar: Allah a donné à choisir à un serviteur entre ce bas monde et ce qu'il a, subhanahu wa ta'ala. Le serviteur a choisi ce qu'Allah a. Abu Bakr a pleuré fortement quand il a entendu cette parole du messager alayhi salam. Nous sommes étonnés, dit le compagnon, le rapporteur dit, nous sommes étonnés du fait qu'Abu Bakr radiyallahu anhu arda pleure. Le messager a annoncé qu'un serviteur a eu le choix, mais ce serviteur n'était que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr était celui qui avait le plus de science que nous tous. Et le messager d'Allah a dit, parmi ceux qui m'ont été d'un grand soutien par leur compagnie et leur fortune, c'est Abu Bakr. Et si je voulais un Khalil en dehors de mon Seigneur, j'aurais pris Abu Bakr. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Le khulla n'aime pas le partage. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Khalil d'Allah. Et c'est un degré d'amour qui n'accepte pas le partage. Abadan. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, mais sinon, il aime d'un grand amour Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arda. Et comme il dit la parole du Farouq, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, quand le Farouq a dit, maintenant, ô messager d'Allah, je t'aime plus que ma personne. Et nous devons aussi méditer cette scène relatée dans la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam par Nuhisham et dans chez Sa'd, dans Tabaqat, le jour de Badr, où le messager se concertait avec ceux qui étaient en sa compagnie, Sa'd ibn Mu'ad et d'autres, parce qu'ils ne sont pas sortis pour la bataille. Donc ils se concertaient avec eux. Et comme au départ, le pacte qu'il y avait entre les Ansar et le prophète, c'était qu'ils le défendent à l'intérieur de Médine. Et là, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répété les phrases, Sa'd ibn Mu'ad a capté le message. Il a dit, ô messager d'Allah, fonce vers ton but. Nous sommes avec toi par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu t'engages en mer, on s'engage avec toi. Aucun homme parmi nous ne fera marche arrière. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et voilà Abu Talha, lors de la bataille de l'Ahzab. Cette bataille où il y a eu la défaite. Abu Talha qui lance des flèches sur les ennemis d'Allah. Et quand le messager essaye de voir où la flèche est tombée, il le couvre de par son corps pour qu'il ne reçoive pas une flèche ou quoi que ce soit. Et Abu Talha disait, protégez le messager alayhi sallam, il disait, ma vie pour la tienne, ô messager d'Allah. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kadalik, darabu lana arwa al-amtila fil infaq, wa fil tadhiya, wa fi talab al-shahada, وفي الولاء والبراء فواجبهم علينا عظيم جدا. فهنا الله سبحانه وتعالى نوبل كومبانيون دي ميساج عليه الصلاة والسلام nous ont donné de grandes leçons, que ce soit dans le sacrifice qu'ils ont fait pour cette religion, sacrifier leur vie, sacrifier leurs dépenses, leur fortune et ainsi de suite pour la religion d'Allah, et les sacrifices qu'ils ont fait aussi pour l'alliance et pour le désaveu. Comment ils se sont désavoués de tout un peuple, de leur famille, etc., une fois qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette règle et ce fondement de la religion qui est l'alliance et le désaveu, que certains veulent maintenant enterrer par la da'wa à la religion abrahamique, leur da'wa à l'unicité des religions, etc. Et ceci, c'est un appel pour la destruction, pour le fait de faire d'enterrer cette règle de l'alliance et le désaveu, tout simplement. Nos obligations. Frère Allah, subhanahu wa ta'ala, واجبنا تجاه الصحابة عظيم جدا، حقوقهم علينا كثيرة، ومن حقهم علينا أن نحبهم. أول الحقوق علينا أن نحبهم، لأن حبهم دين، وأن نذكرهم بكل خير، وأن نبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولذلك قال بعض السلف: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وصدقوا والله، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: حب الأنصار من الإيمان، وبغضهم من النفاق. والحديث متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا في حبهم. خيرنا الله سبحانه وتعالى. لنوبل كومبانيون رضوان الله عليهم، لنوبل كومبانيون دون notre message صلى الله عليه وسلم، nous ont donné des leçons dont à tous les niveaux. Et nous avons beaucoup, la communauté a beaucoup d'obligations vis-à-vis de ces nobles compagnons رضوان الله عليهم. La première des obligations qu'on cite ici, c'est le fait de les aimer. Car le fait de les aimer fait partie de la religion. Et quand on parle d'eux, on ne doit les citer combien ? Et on doit détester ceux qui les détestent. Et on doit détester ceux qui les dénigrent. Comme cela a été cité par Tahawi dans sa Aqida, où il a dit, rahimahullah, et nous aimons les compagnons du messager d'Allah, et on néglige l'amour d'aucun d'eux. Et on ne se désavoue d'aucun d'eux. Et on déteste ceux qui les détestent. Et ceux qui parlent mal sur eux, et on ne cite le compagnon qu'on parle bien, et on doit les aimer, car le fait de les aimer fait partie de la religion, fait partie de la foi, fait partie de l'ihsan, de la bienfaisance. Le fait de les détester, c'est de la mécréance, c'est de l'hypocrisie, c'est un dépassement des limites. Certains pieux prédécesseurs ont dit: celui qui aime Abu Bakr, il a accompli la religion. Et celui qui aime Omar, il s'est éclairé le chemin. Et celui qui aime Uthman, s'est éclairé par la lumière d'Allah. Et celui qui aime Ali, s'est cramponné à l'once solide. Et celui qui dit le bien sur les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, il est innocent de l'hypocrisie. Les pieux ont dit vrai, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Car les hadiths rapportés par l'imam Bukhari, l'imam muslim de notre messager alayhi salatu salam, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: aimer l'ansar fait partie de la foi, il est détesté fait partie de l'hypocrisie. Dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam muslim aussi, le prophète a dit: ne les aime, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salatu salam, qu'un croyant, et ne le déteste qu'un hypocrite. Et il a dit alayhi salatu salam: celui qui les aime, Allah l'aime. Et celui qui les déteste, Allah le déteste. Et le hadith est muttafaq alayh. Et ceci concerne le fait de les aimer. فَهَذَا فِي مَا يَخُصُّ مَنْ أَحَبَّهُمْ وَأَمَّا مَنْ سَبَّهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَتَكَلَّمَ بِالسُّوءِ فِيهِمْ شَلَّ اللَّهُ لِسَانَهُ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على من سب أصحابي والحديث في صحيح الجامع. فإن رأيت إنسانا يذكر الصحابة بخير فاشهد له بالإيمان، وإن رأيت إنسانا يتكلم في الصحابة ويذكرهم بشر ويبغضهم فاشهد له بالنفاق، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. هنا الله سبحانه وتعالى ce qui a été cité c'est pour ceux qui les aiment. Maintenant qu'est-ce qu'il en est de ceux qui les détestent, qui détestent les nobles compagnons, qui maudissent les nobles compagnons et qui les insultent et qui parlent mal sur eux, qu'Allah paralyse leur langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, n'insultez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme dans sa main. C'est quiconque parmi vous dépensait l'équivalent de Uhud en or, il n'arriverait pas à l'équivalent d'une poignée de main ou à la moitié d'une poignée de main de la charité d'un compagnon. Ridwanullah alayhim. Et dans le hadith, dans Sahih al-Jami', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la malédiction, c'est un dua qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam, malédiction sur celui qui insulte mes compagnons. Hein? Et dans l'autre hadith, dans Sahih al-Jami', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui insulte mes compagnons, Allah le maudit, ainsi que les anges et tous les gens. Dans quelle mauvaise situation se trouve celui qui déteste les nobles compagnons d'Allah alim, ou qui parle mal de ses nobles compagnons? Quel bien il pourra venir d'une personne qui parle des témoins oculaires de la religion d'Allah et de la parole d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc si on voit quelqu'un citer les compagnons en bien, on lui atteste la foi. Et si on voit quiconque les cite en mal, les déteste, les insulte, on lui atteste l'hypocrisie, car ne les aime qu'un croyant et ne les déteste qu'un hypocrite, comme cela est relaté dans les hadiths que nous venons d'entendre, les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa min haqq as-sahaba 'alayna an nasluka sabilahum wa nattabi'a man tabi'ahum لأن سبيلهم هو سبيل النجاة، هو سبيل المؤمنين، ومنهجهم هو منهج الحق، لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة. قد جاءت الأدلة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة تدل على أن سبيلهم هو سبيل النجاة، وتأمر المؤمنين باتباع ما كانوا عليه. ففي كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك المهاجرون والأنصار أتوا بالشروط التي يرضى الله سبحانه رضي الله سبحانه وتعالى عنهم بها، ولسنا منهم. ماذا بقي؟ باب الرضا لم يغلق، فهو الاتباع بإحسان. فإذا أردنا رضا الله فلا بد أن نتبعهم بإحسان في عقيدتهم وفي منهجهم وفي معاملتهم وفي أخلاقهم وفي كل ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. فهؤلاء المهاجرون والأنصار هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنع اليوم كثيرا من الأحزاب الذين سلكوا سبيلا غير سبيل الصحابة أن يعودوا راغبين إلى سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، لتعود لهم العزة والسيادة ولكي ينتصروا على أعدائهم؟ فما هو السبب حتى تركوا سبيل العزة وسبيل النصرة؟ فسبيل العزة هو الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بينه بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فسبب هذا الدل الذي أصاب الأمة وهذا الضعف إنما هو الانحراف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ليس إلا. وهي كذلك عقدة الضعف أمام الغرب وأمام أعداء الله. والقضية كما قال إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولك أن تتأمل هذه القصة التي ذكرت لمحدث العصر رحمه الله تعالى. أحد الحضور في جلسة مع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، لعل هذا مر عليه أكثر من 40 سنة، ها أو أكثر، يقول هذا الرجل حدثني حسن أبو شقرة، يتكلم عن فلسطيني، هذا حدثني حسن أبو شقرة، وهذا حسن أبو شقرة كان من الدعاة السلفيين في خان يونس في فلسطين، وهذا الداعي أبعده اليهود. يحكي هو لمن حكى للشيخ ناصر الدين الألباني قبل أن يبعد، يقول أن الحاكم على المنطقة، الحاكم اليهودي على المنطقة، اتصل به وقال له: يا شيخ حسن، هناك أناس كبار في الدولة مجتمعين عندي يريدون أن يقابلوك، ولكن أريد أن تجيبهم بصراحة. قال حسن أبو شقرة: إن شاء الله. فعندما دخل يقول هذا وجدت يعني أصابه خوف، وجدت كبار ضباط الجيش وأناس كبار في الدولة، قال: وجعلوا يسألونني عن السلفية، هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت. وكان هو يقول: نحن نخشى أن نقول أننا سلفيين، نقول فقط أننا ندعو إلى فعل الصحابة، لأنه لو ثبت علينا هذا فما هو إلا السجن، الإنسان يسجن. فكان من ضمن كلامهم يقول في آخر النقاش: غضب أحدهم وقام وقال لي: امسك أي دعوة عندك، الإخوان المسلمين دعوتهم ادعو بها، عندك دعوة التبليغ ادعو بها، عندك حزب التحرير ادعو بدعوته، ولكن هذه الدعوة السلفية التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر، حرفيا يقول، والله هكذا قال، هذه الدعوة التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر، نحن لن نسمح لكم بهذا. الشيخ الألباني يقول رحمه الله: هذه حقيقة عرفها الكفار أخيرا. ويقول رحمة الله عليه: ولذلك ارتقبوا يا سلفيون واصبروا، التاريخ يعيد نفسه. وانظر ماذا يجري الآن من حروب على ومن تضييق على السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها. قال رحمه الله الشيخ الألباني: فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يقول رحمة الله عليه: هل المصلحون الصالحون المقتدون بالصحابة يخرجون؟ يقول رحمه الله: هل هذه دعوة الإخوان فيها تدعو إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر؟ يقول بعض الحضور: لا. ويقول: هل دعوة التحرير فيها دعوة إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر؟ يقول بعض الحضور: لا. كذلك التبليغ يقول: لا. قال رحمه الله: إنما هو، سبحان الله العظيم، قطيع يساق، إنما هو قطيع يساق. رحمة الله عليه رحمة واسعة. فلماذا هذا الخوف؟ لأن نتساءل: لماذا هذا الخوف من المنهج السلفي، منهج هؤلاء الأخيار الأبرار؟ لأنه المنهج الوحيد الذي ارتضاه رب العزة لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولأنه المنهج الوحيد الكفيل بإخراج هذه الأمة من الذل والهوان الذي وقعت فيه. وتلك أن تتأمل قول هذا اليهودي، ها؟ لن نترككم، لن نترككم تدعون الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر، ها؟ فيجب علينا، فالمصلحون والصالحون المقتدون بصحابة رسول الله ما يخرجون لا في مظاهرات، ولا يحملون لافتات، ولا يحملون شعارات كشعارات هذا منظمة حقوق الإنسان، حق الكلب، حق المرأة، حق كذا، حق كذا، فشعارتهم أي فرق بينها وبين شعارات هؤلاء الذين يدعون حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، ها؟ فلا بد إخوة الإسلام أن نعي وننظر بعين الشرع لما وأن نزن ما نسمع وما نرى بعين الشرع وبعين المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي مقدمة هؤلاء من؟ أصحاب رسول الله، هم الذين يدعون على بصيرة لأنهم أول من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأئمة الصادقين بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمامهم الأكبر بعد الأنبياء صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما هو سبيل المؤمنين؟ هو سبيل الصحابة، فهم المؤمنون حقا، وهو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه، أن يثبتنا عليه وأن يهدينا إليه في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم في مقدمتهم أصحاب رسول الله بعد الأنبياء، أصحاب رسول الله. والأدلة من الكتاب والسنة في لزوم في وجوب اتباعهم كثيرة. ها إفخرنا الله سبحانه وتعالى parmi les droits des compagnons c'est le fait de les suivre et de suivre leur voie. Et le fait de suivre leur voie, c'est pas du domaine du surrogatoire, il faut pas croire. C'est une obligation. C'est une obligation. Et ce n'est pas du domaine du surrogatoire. Je veux, je suis, je veux pas, je suis pas. Là, Abedan, on est obligé de suivre leur voie et de suivre ceux qui les suivent à la perfection. Car c'est la voie du salut. C'est la voie des croyants. Et leur voie, c'est la voie de la vérité, dans laquelle il y a le bonheur des deux demeures. Dans ce bas monde et dans le delà, les preuves sont nombreuses à ce niveau, que ce soit dans la parole d'Allah ou dans l'authentique de la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire du noble compagnon prouve que leur voie, c'est la voie du salut, et ordonne aux croyants de lui suivre la voie sur laquelle ils étaient, car c'est la religion véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets sont nombreux. Parmi ceux qui ont été cités, la traduction approximative nous dit cela: et les devancés, les tout premiers qui ont immigré de la Mecque vers Médine, et ceux qui les ont secourus et accueillis, et ceux qui ont secouru et accueilli le prophète à Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis à la perfection, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de ce que Allah leur réserve. Il médite, regarde le verset, ce qu'il te dit. Il nous dit: deux catégories, on réunit quoi? On réunit les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux, qui sont l'ansar ou le muhajiroun. Et on fait partie ni de l'ansar ni de muhajiroun. Est-ce que la porte maintenant de la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala est fermée? Abedan. Mais la porte, elle est ouverte à une condition: et ceux qui les suivent à la perfection. Donc si on veut la satisfaction d'Allah, il est tout simplement dans le fait de suivre les nobles compagnons d'Allah à la perfection, dans leurs croyances, dans leur voie, dans leur rapport qu'ils ont avec les sociétés dans lesquelles ils vivent, dans leur rapport avec la religion d'Allah, avec la sunna du prophète, dans leur comportement et dans tout, on doit les suivre. Ces nobles compagnons qui sont le Muhajir ou l'Ansar, qui sont cités dans maintes versets et qui ont eu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont tout réuni, les conditions pour l'avoir. Hein? Ce sont les nobles compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire, hein, de les suivre. Qu'est-ce qui empêche maintenant de nos jours les tendances qui se sont créées, hein, qui se sont créées d'autres voies que celles des compagnons à suivre la voie des compagnons. Pourtant, hein, c'est la voie qui mène vers la puissance, c'est la voie qui mène vers les honneurs, c'est la voie qui mène vers la suprématie, c'est la voie qui mène vers la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la voie qui va faire triompher sur les ennemis d'Allah. Car pour avoir les honneurs, le pouvoir sur terre, la suprématie, la gloire, un seul moyen, la voie de ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Une seule voie, celle sur laquelle étaient Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiya et tous les autres compagnons, radhiyallahu anhum. C'est la seule issue, c'est la seule porte des honneurs et de la suprématie. Comme le messager l'a si bien clarifié quand il a parlé des tendances déviantes, hein, il a dit, la fraction victorieuse, c'est celle qui va être sauvée. Celle qui va être sauvée, cette fraction victorieuse qui est une seule. C'est la description d'un seul groupe. Il a dit, ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis. Aujourd'hui, je suis sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Donc, la cause de l'humiliation et de la faiblesse de la communauté, c'est d'avoir dévié de la voix du messager alayhi salam de ses nobles compagnons. Bien sûr, il existe toujours une petite fraction qui suit cette voix et qui la met en avant et qui se cramponne selon ses capacités à la voix sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah. Et la situation est comme a dit l'imam Malik rahimahullah. Nous réformera en bien la fin de cette communauté que ce qui a réformé en bien le début de cette communauté. Il ne faut pas se leurrer. Nous n'avons pas d'autre chemin pour sortir de la faiblesse dans laquelle, ni dans le déshonneur dans lequel nous sommes. Et il n'y a qu'un seul chemin qui est celui d'Abu Bakr, d'Omar, d'Uthman, etc. Et qu'on écoute ce que les ennemis d'Allah ont compris et ce que beaucoup de musulmans n'ont pas compris. Plus de 40 ans, plus de 50 ans peut-être même, un dont l'assise de Cheikh Nasser Dil Albani, rahmatullah alayh, rapporte une situation d'un prêcheur salafi dans le territoire occupé de Khan Yunus. Et ce prêcheur, il a été après exilé. Et ils l'ont fait sortir des territoires occupés. Et avant d'être exilé, il a rencontré cette personne qui a après relaté l'histoire à Cheikh Nasser Dil Albani, rahmatullah alayh. Il lui a dit que le gouverneur de Khan Yunus, un jour l'a contacté, lui a dit, j'ai les responsables de l'État qui veulent te rencontrer, ils veulent te poser des questions, je veux que tu leur répondes d'une façon claire. Et quand ce prêcheur qui s'appelle Hassan Abu Shakra, quand il est rentré dans la salle, où il doit rencontrer ces hommes, il a dit qu'il a eu une grande effrayeur, il a eu très peur. Parce qu'il a vu que les grands de l'armée, que les étoiles sur les épaules et ainsi de suite. Il a dit, ils ont commencé à me poser la question sur la da'wa salafi. Cette nouvelle da'wa, comme ils l'appellent eux. Et lui, il disait, nous avions peur de dire que nous sommes des salafis. Ou que nous appelons vers la salafia, parce que quelqu'un qui prononce ce mot, il va directement en prison. Mais on dit, on appelle vers la voix de Abu Bakr, de Omar, les compagnons, et ainsi de suite. Dans l'assise, à un moment donné, puisque chaque fois qu'il lui pose ces questions, lui, il parle de Al-Sunnah al-Jama'a, Abu Bakr, Omar, Uthman, etc. À un moment donné, le pire parmi eux se lève et lui dit, écoute, Tu as la da'wa des frères musulmans. Prends-la. Tu as la da'wa de parti de Tahrir, celles qui ont en Syrie. Prends-la. Tu as la da'wa des Ablir. Prends-la. N'importe laquelle parmi ceux-là. Mais la da'wa salafi, et c'est da'wa qui va faire revenir les gens à la voie d'Abou Bakr et d'Omar, on ne te laissera pas faire. Abadan. Hein? Regarde ce qui se passe à travers le monde. Quand Cheikh Nasser Dil Albani, il a entendu cela, il a dit ça, c'est une réalité que les mécréants ont su et que beaucoup de musulmans ne savent pas. Et Oza, il a dit, attendez-vous, salafi, et patientez, l'histoire se répète. Hein? Et regardez hein, ce qui se passe maintenant, comme hein, les difficultés qu'on met sur le chemin de la salafia et sur le chemin à travers le monde, occidental ou oriental, peu importe. Hein? Et il a dit, rahimahullah, bonté al-ghuraba, hein? C'est-à-dire, soit un arbre au paradis, soit le bien dans l'au-delà et le bien dans ce bas monde. Hein? Et il a dit, qui c'est ces marginaux, ces ghuraba? Il a dit, ce sont ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam après le prophète alayhi salatu wasalam. Hein? Et il a posé certaines questions à l'assemblée, il a dit, est-ce que ça, ces réformes, hein, ramener la communauté vers la voie d'Abou Bakr ou d'Omar, on le trouve chez Tablir? Non. La CIS a dit non. Chez les frères musulmans, la CIS a dit non. Chez Hizb Tahrir, la CIS a dit non. Et il a dit, rahimahullah, ce n'est qu'un troupeau qu'on guide. C'est-à-dire, ces suiveurs, ces disciples de ces jama'at ne sont qu'un troupeau qu'on guide et ils ne savent pas vers quoi on les guide. Hein? Hada, c'est une histoire pour voir un petit peu. Hein, l'histoire, on est toujours dans la même situation. Ras, ce qui est voulu, c'est détruire hein, la voie salafi, la voie véridique de l'islam et l'islam véridique de la communauté. Hein. Et donc, regardez ce qui se passe maintenant. Ces réformateurs, soi-disant, ces leaders de ces partis qui sortent chaque jour avec des pancartes, ils disent slogans, le droit de la femme, le droit du chien, le droit des enfants, le droit de celui, le droit de cela. Hein? Quelle différence il y a entre leur pancarte et leur slogan et le slogan d'Amnesty International? Ça, c'est le slogan d'Abou Bakr et d'Omar. Est-ce que dans une manifestation, tu as déjà vu une pancarte sur laquelle est mis, on veut que le droit d'Allah soit accompli? Tu l'as vu, ça? Il ne faut pas rêver. Hein, il ne faut pas rêver. Parce que tout ce qui se passe, ce n'est que la mise en application, ce que l'ennemi veut. Ce que les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, les choses avec lesquelles ils ont pollué l'esprit de certains, hein, et se disent, nous on est, hein, on fait partie de l'organisation des droits de l'homme. Quels droits de l'homme, hein? Alors que la voix claire et nette, et la voie dans laquelle il y a tous les droits, c'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée. Et qui connaît mieux sa créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, c'est lui qui nous a créés. Donc c'est lui qui sait là où il y a notre bien, dans ce bas monde et dans le delà. Et médite aussi le verset que j'ai cité tout à l'heure, où la traduction approximative nous dit, concernant la voix de Mohammed alayhi salatu salam, voici ma voix. J'appelle les hommes avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, moi et ceux qui me suivent. Gloire à Allah, qui sont les premiers qui ont suivi Mohammed alayhi salatu salam. C'est non les nobles compagnons d'Allah alayhi. Donc si on veut être sur la da'wa sur laquelle était Mohammed alayhi salatu salam, nous devons l'accomplir selon la méthodologie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Sinon, hein, on a fait faillite. Et on a innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé d'être avec les nobles compagnons d'Allah alayhim. Enfin, ce sont les véridiques. Il est dit dans le verset, ô vous qui croyez, préservez les droits d'Allah et soyez des nombres des véridiques. Il n'y a aucun doute que les imams de la véracité, dans l'humanité entière, après les prophètes alayhi salatu salam, hein, et les messagers alayhi salatu salam, ce sont les nobles compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la tête de ceux-là, Abu Bakr radiallahu anhu arda, et l'ordre, il est comme vous le connaissez, Omar, Uthman, Ali, et ainsi de suite. Hein? Dans l'autre verset, il est dit, hein? Et c'est un verset qui est pertinent et qui nous montre qu'il est obligatoire pour nous de prendre la voie du noble compagnon d'Allah et de le suivre. Et quiconque après avoir clairement décerné la vérité s'oppose au messager et se détourne de la voie des croyants, nous l'abandonnerons au sort qu'il s'est choisi, ils l'introduiront dans la géhenne et quelle horrible demeure. Hein? C'est déjà un danger d'être en divergence avec le prophète, de prendre un autre chemin que le prophète alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a rajouté quelque chose. Il nous a rajouté la voie des croyants. Hein? Et c'est quoi la voie des croyants? C'est qui ces croyants? C'est tout simple, cette voie, c'est tout simplement la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim. Car ce sont eux, les nobles compagnons d'Allah alayhim, les véridiques, c'est eux en priorité qui sont concernés par ce verset. Et ils étaient là quand il a été révélé. Hein? Ils les concernent en priorité. Et ce sont eux la crème et le sommet des véridiques. Ridwanullah alayhim. Donc on n'a pas d'autre chemin. Il ne faut pas se leurrer. On veut la satisfaction d'Allah, le chemin des nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. On veut le bonheur et l'apaisement dans ce bas monde et dans le delà. C'est ce chemin-là qu'il y a. D'où Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé de lui demander, dans chacune de nos prières, de nous guider et de nous raffermir sur leur voie. Hein? Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et nous ne voulons pas être dans la voie de ceux qui encourent ta colère. Hein? Et nous ne voulons pas non plus être dans la voie des égarés. Hein? Tabari, rahimahullah, rapporte qu'un homme a interrogé Abu al-Ali en lui disant, c'est quoi la voie droite? Et il a répondu, rahimahullah, Abu Bakr et Omar. La voie droite, c'est Abu Bakr et Omar. Hein? L'homme a été étonné. Il est allé voir al-Hassan al-Absari, rahimahullah, parce que cette réponse l'a étonné. Il lui a dit, Abu al-Ali a dit que la voie droite, c'est Omar et Abu Bakr. Hassan al-Basri lui a dit, il a dit vrai, il a été digne du conseil pour toi. Il a dit vrai, il a été digne du conseil pour toi. Mais tu veux être sur la voie droite que tu demandes chaque fois? Bah, tout simplement, prends la voie d'Abu Bakr et la voie d'Omar. Hein? Cela veut dire, hein, qu'il est obligatoire pour nous de prendre cette voie-là. Si on veut le supprimer, si on veut l'apaisement, dans ce bas monde et dans le delà. Nous devons la connaître, connaître les caractéristiques des gens de cette voie-là qui sont les nobles compagnons, leur comportement, leurs croyances et ainsi de suite, et les mettre en application. La théorie ne suffit pas. Réciter leurs qualités, réciter leurs voies, leurs combats, leurs sacrifices, leurs croyances, cela ne sert à rien. C'est de la théorie, il peut être une preuve contre nous. Mais ce qui est demandé, c'est de l'apprendre et de le mettre en application et que notre vie soit basée sur cela. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh, wa subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum, jazakumullahu khair.